Les jours où je la vois pas sont moches comme des dimanches. Mes roses s'ennuient dans leur vase. Elles se sentent un peu flappy. Bientôt leur robe tombe, elles sont nues. Les jours où je la vois pas sont tristes comme des deuils. Si je m'emballais, j'irais la retrouver. Sûrement son mari aurait à partir. Heureusement des fois je réfléchis. Les jours où je la vois pas sont plus nombreux que les autres. Peut-être qu'elle s'amuse, même qu'elle rit, qu'elle charme et qu'elle vit, qu'elle aime, qu'elle est heureuse sans moi.